Lorsque le cannabis est fumé, ses effets se font ressentir presque immédiatement et peuvent durer plus ou moins longtemps, selon la quantité absorbée, dans un laps de temps compris entre 2 et 7 heures. Lorsqu'il est ingéré, il faut à peu près une heure pour ressentir ses effets, mais ceci dure encore plus longtemps. Le principe actif du cannabis, le THC, tétrahydrocannabinol, s'accumule dans les graisses et il faut plusieurs jours, voire des semaines, pour que l'organisme s'en débarrasse complètement, selon la fréquence de l'usage et la quantité absorbée. C'est pourquoi un test de dépistage du cannabis peut donner un résultat positif bien après que les effets se sont dissipés. Réponse A et C.